Voulez-vous dîner avec moi ? Pellerin, débonnaire, accepta. Les secrétaires s'emmenaient dans les bureaux de Buenos Aires quand Rivière entra. Le téléphoniste plantait ses fiches dans le standard et notait, sur un livre épais, les télégrammes. Rivière s'assit et lut. Le courrier de Patagonie, lui aussi, progressait vite. On était en avance sur l'horaire, car les vents poussaient, du sud vers le nord, leur grande houle favorable. « Passez-moi les messages météo. » Chaque aéroport vantait son temps clair, son ciel transparent, sa bonne brise. Un soir doré avait habillé l'Amérique. Rivière se réjouit du zèle des choses. Maintenant, ce courrier luttait quelque part dans l'aventure de la nuit, mais avec les meilleures chances. Rivière sortit jeter un coup d'œil sur les services, veilleurs de nuit, qui veillaient sur la moitié du monde. Il pensa que la place d'un inspecteur, une nuit de veille, est au bureau. « Faites-moi chercher Robineau. » Robineau était sur le point de faire d'un pilote son ami. Robineau, quand on l'appela, fut triste, mais redevint digne. « Je dois vous quitter, » dit-il à Pellerin. « Monsieur Rivière a besoin de moi, pour quelques décisions graves. »